avec ses paroles qui s'enfoncent. Dieu regarde l'univers, toute la création se renouvelle d'après les paroles de Dieu. Le ciel change, la terre aussi, l'homme se révèle tel qu'il est vraiment. Quand Dieu créa le monde, toutes choses furent selon son genre, ainsi tout ayant une forme visible. Quand la gestion de Dieu se rapproche de la fin, Dieu restaurera toutes choses, tout sera comme à la création. Peu à peu, pas à pas, les hommes sont triés, retournent à leur vraie famille. Dieu se réjouit de voir cela. Plus rien ne peut le perturber, son immense œuvre s'achève avant qu'on le sache, avant de s'en rendre compte. Toutes choses seront changées peu à peu, pas à pas, les hommes sont triés. Dieu restaurera l'état d'origine de tout lors de la création. Dieu fait que tout soit changé pleinement. Il ramène tout dans son plan. Le moment est venu. La fin de son dernier plan est là. Au monde vieux et immonde, tu tombes sous la parole de Dieu. Tu seras réduit au néant à cause du plan de Dieu. Toutes choses créées par Dieu, par sa parole ont une vie nouvelle. Ayant un Seigneur souverain au monde sanctifié, tu renaîtras dans la gloire de Dieu. Mon Sion ne te tait plus, tu reviens victorieux. Il règne sur toutes les terres, sur toute la création. L'homme entame une nouvelle vie sur terre, avec un nouvel espoir. Peu à peu, pas à pas, les hommes sont triés. Peuple de Dieu, ne revivriez-vous pas dans sa lumière? Comment ne pas sauter, rire de joie, sous la conduite et la guidance de Dieu? Les terres et les eaux acclamer vie, Israël renaît à la vie. Ne seras-tu pas fier d'être prédestiné par Dieu? Qui a pleuré, qui s'est lamenté? Le vieil Israël n'existe plus. Israël d'aujourd'hui s'est levé dans le monde. Il subsiste dans les cœurs de ceux du peuple. Il atteint la source de vie par le peuple de Dieu. L'Égypte a été toujours contre Dieu. Tu pensais esquiver son châtiment, car profitant de sa grâce, celui que Dieu aime vivra toujours. Celui qui s'oppose à Dieu sera puni pour toujours. Car Dieu est un Dieu jaloux, il n'oublie pas facilement les actes humains. Dieu veille sur chaque pays avec justice et majesté, avec courroux et châtiment. Il apparaît dans l'est du monde pour se révéler à tous les peuples sur terre. Peu à peu, pas à pas, les hommes sont triés, retournent à leur vraie famille. Dieu se réjouit de voir cela. Plus rien ne peut le perturber,